Bon, une autre que j'ai fait à Lyon, ça s'appelle le Bel au bois dormant. C'était sur une installation. Là, c'est un peu technique, oui. Non, c'était une installation d'une femme qui a 80 ans, qui est une actrice très célèbre, qui s'appelle Louise Bourgeois. Elle a 82 ans et elle fait des sortes de sculptures assez extraordinaires. Et là, elle avait fait une installation, c'était à la Biennale de Lyon, au hall Tony Garnier. Il y avait comme une sorte de bordel familial, une chambre entière avec tapissée de rouge, avec un train électrique sur le lit, avec des miroirs. Voilà, et donc, pourquoi j'ai fait ça? Donc voilà, j'ai décidé de faire une action et je me suis couché sur le lit de. J'ai enlevé mes chaussures. Et je me suis couché sur le lit de Red Room. Là, c'est une œuvre qui vaut une fortune, hein, qui vaut des centaines de milliers d'euros. C'est une des installations les plus connues de voilà. Alors du coup, ça a été la panique. Les gardiens, ils ont vu tout d'un coup quelqu'un détendu sur un lit qui dormait sur le lit de Louise Bourgeois. Donc, ils sont allés chercher la direction. Donc, ils ont fermé le stand, tout ça. Et voilà, il y a un gardien qui était complètement fou de la sécurité, qui m'a sauté dessus, qui a commencé à moitié à m'étrangler, à me frapper en me disant « Arrête, connard, et c'est de la blague et tu es fou ». Alors j'ai fait quelque chose qui, après, est assez impressionnant par rapport à ce que j'ai su de Louise Bourgeois. J'ai décidé d'une façon mais très, très, très froide, mais très bien jouée. J'ai pris une crise d'épilepsie. C'est-à-dire que je me suis mis à baver du blanc, je me suis arqué complètement sur le lit. Et c'était, paraît-il, très impressionnant. Je sais, puisque je les mime facilement. Et donc, là, c'était la panique. Alors, à ce moment-là, celui qui m'étranglait m'a dit, bon, après tout, c'est peut-être vrai. Donc, il a dit, allez chercher les pompiers, tout ça. Alors, tout d'un coup, il y a branle-bas, ils ont ramené la sécurité, les pompiers. Alors, tout juste, ils m'ont pas fait du bouche à bouche. Et puis après, ils m'ont laissé sur le lit. Puis tout d'un coup, j'en ai eu marre. Alors, tout d'un coup, j'ai fait comme si je me réveillais d'un grand songe. J'ai fait, où suis-je? Où suis-je? Je suis évapé. Où suis-je? Alors, voilà. Alors, ils ont été médusés. Ils ont essayé de me dire, mais on ne peut pas vous laisser partir comme ça, parce que c'est peut-être grave, ça va revenir. Je lui ai dit, non, et je me sens très bien, je vous promets. Regardez. Et j'aurais fait un sort d'entrechat devant eux. Et ils m'ont laissé partir, et je suis parti comme ça, de cette performance, voilà, sans Tony Garnier, ça s'appelait. Ah oui, alors j'ai su après, ce que je disais impressionnant, en regardant un mois après une vidéo à la télévision sur Arte, ça s'appelait Arc of Hysteria. Donc, elle avait fait, Louise Bourgeois, un corps sans bras, où il y avait quelqu'un qui était en crise d'hystérie, et c'était un corps humain, et qui était en position complètement arquée d'hystérie. Et ça m'avait beaucoup frappé que, sans le savoir, j'invente, j'improvise un acte, une crise d'hystérie, alors que Louise Bourgeois, l'artiste, avait fait ça. Autre action que j'ai fait, est-ce que vous connaissez Duchamp? Je ne sais pas si vous connaissez Duchamp, on va en parler. Duchamp a inventé, c'était quelqu'un de très joueur, a inventé une femme, une sorte de compagne, il se déguisait souvent en femme, Duchamp, et elle s'appelait Rose C'est la vie, mais écrit S-E-L-A-V-Y. Et j'ai fait quelque chose à laquelle personne n'avait jamais pensé, c'est j'ai inventé ce qu'on appelle Rose c'est la mort. Et Rose c'est la vie j'ai prétendu que je donnais une copine d'éternité à Rose c'est la vie, j'avais inventé Rose c'est la mort. Même Ben m'a écrit une lettre en disant que c'était génial d'avoir inventé Rose c'est la mort. Donc sur la tombe de Duchamp, je ne sais pas si certains connaissent Rouen, il y a ce qu'on appelle le cimetière monumental, un énorme cimetière qui ressemble au Père Lachaise. Il y a d'ailleurs la tombe de Flaubert est là, un très beau tombeau de Flaubert. Et donc sur la tombe de Duchamp, vraiment sur sa tombe, là donc où est marquée la fameuse inscription de Duchamp qui est célèbre, vous savez, Duchamp, sur sa tombe, il a demandé qu'on marque, c'est toujours les autres qui meurent. Donc j'ai inventé une sorte de danse, je me suis déguisé en femme. Donc j'avais des grandes boucles, enfin ma barbe bien sûr, je n'allais quand même pas raser ma barbe pour un hommage à Duchamp qui allait durer une demi-heure. Donc en hommage à Duchamp, je me suis brûlé la figure au fer rouge. Et donc, voilà, donc j'ai fait un hommage à Duchamp. Et donc, la Rose c'est la vie, je bégaye un peu, là, je me perds un peu. La Rose c'est la vie pour accompagner, et Rose c'est la mort qui accompagne Rose c'est la vie. Je m'en suis sorti de justesse. Bon, après, toujours à Rouen, mais on approche de... C'est bien comme horaire. Je commence à fatiguer. Je me suis fait enterrer vivant. Il y a un ami qui a inventé un concept qui est très beau. Il y a eu d'ailleurs 3 pages de Libération là-dessus. Il a inventé le premier cimetière de l'art. C'est-à-dire que chacun peut aller dans ce cimetière et on peut enterrer ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut enterrer Lui, il a enterré un poussin, mais un vrai poussin, hein, qui était estimé à une fortune, je crois, à 100 000 euros. Il prétend qu'il est vrai. Il est enterré dans un endroit secret. Alors, on peut enterrer comme ce qu'on veut, mais il y a un livre des entrées, c'est-à-dire qu'on vous reçoit, vous enterrez ça, c'est marqué sur le livre et tout. Et donc, ça s'appelle le premier cimetière de l'art, et c'est à 20 km de Rouen. Et là, donc, moi, en tant qu'œuvre d'art, corps œuvre d'art, en tant que voilà, que mon corps comme une œuvre d'art, j'ai été enterré vivant, je me suis fait enterrer vivant, c'est-à-dire que pendant 20 minutes, sous ça de pierre, il avait plu, donc c'était en plus très lourd et très étouffant, et je m'étais imaginé que sous la terre, j'avais peur d'avoir de la terre dans la bouche, donc je m'étais fait un sort de cache au fond de la gorge, et en fait, à la première pelletée de pierre, la terre était dans la bouche, donc ça a été assez dur pendant... Surtout que j'avais prié à cet ami de faire mon panégyrique comme si j'étais vraiment mort. Alors lui, lyrique comme il est, au lieu de faire un truc de 5 minutes, ça a duré 10 minutes, et à la fin, je suis presque sorti tout bleu quand je suis ressorti de là, donc voilà, donc j'ai été, je peux dire que j'ai été enterré vivant, quoi.